France Culture et la Comédie Française vous invitent à écouter En attendant Godot de Samuel Beckett, d'après la mise en scène de Roger Blin, réalisation Georges Gravier. Les interprètes seront messieurs Jean-Paul Roussillon, Estragon, François Chaumette, Pozzo, Michel Aumont, Vladimir, Georges Riquier, Lucky, Jean-Noël Dalric, le récitant, et mademoiselle Bernadette Le Sachet, le garçon. Une route à la campagne avec un arbre. Le soir. Estragon, assis sur une pierre, essaie d'enlever sa chaussure. Il s'y acharne des deux mains. Il s'arrête à bout de force, se repose, recommence. Rien à faire. Je commence à le croire. J'ai longtemps résisté à cette pensée en me disant « Vladimir, sois raisonnable. Tu n'as pas encore tout essayé. » Et je reprenais le combat. Alors, te revoilà, toi. Tu crois? Je suis content de te revoir. Te croyais parti pour toujours. Moi aussi. Que faire pour fêter cette réunion? Lève-toi que je t'embrasse. Tout à l'heure, tout à l'heure. Peut-on savoir où monsieur a passé la nuit? Dans un fossé. Un fossé? Où ça? Par là. Et on ne t'a pas battu? Si, pas trop. Toujours les mêmes? Les mêmes? Je ne sais pas. Quand j'y pense, depuis le temps, je me demande ce que tu serais devenu sans moi. Tu serais plus qu'un petit tas d'ossements, alors qu'il n'est pas d'erreur. Et après? C'est trop pour un seul homme. D'un autre côté, à quoi bon se décourager à présent? Voilà ce que je me dis, il fallait y penser il y a une éternité, vers 1900. Assez! Aide-moi à enlever cette salopaille. La main dans la main, on serait jeté en bas de la tour Eiffel, parmi les premiers. On portait beau alors, maintenant. Il est trop tard, on ne nous laisserait même pas monter. Et qu'est-ce que tu fais? Je me déchausse. Ça ne t'est jamais arrivé à toi? Depuis le temps que je te dis qu'il faut les enlever tous les jours, tu ferais mieux de m'écouter. Aide-moi. T'as mal? Mal. Il me demande si j'ai mal. Il n'y a jamais que toi qui souffres. Moi, je ne compte pas. J'aurais pourtant te voir à ma place, tu m'en dirais des nouvelles. Tu as eu mal? Mal? Il me demande si j'ai eu mal. Ce n'est pas une raison pour ne pas te boutonner. C'est vrai. Pas de laisser aller dans les petites choses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu attends toujours le dernier moment. Le dernier moment. C'est long, mais ce sera bon. Qui disait ça? Tu ne veux pas m'aider? Des fois, je me dis que ça vient quand même, alors je me sens tout drôle. Il ôte son chapeau, regarde dedans, y promène sa main, le secoue, le remet. Comment dire, soulagé et en même temps épouvanté. Épouvanté. Il ôte à nouveau son chapeau, regarde dedans. Ça alors? Enfin. Estragon, au prix d'un suprême effort, parvient à enlever sa chaussure. Il regarde dedans, y promène sa main, la retourne, la secoue, cherche par terre s'il n'en est pas tombé quelque chose, ne trouve rien. Passe sa main à nouveau dans sa chaussure. Alors? Rien. Fais voir. Il y a rien à voir. Essaie de la remettre. Je vais le laisser respirer un peu. Voilà l'homme tout entier s'en prenant à sa chaussure alors que c'est son pied le coupable. Il enlève encore une fois son chapeau. Regarde dedans, y passe la main, le secoue, tape dessus, souffle dedans, le remet. Ah, Ça devient inquiétant. Estragon agite son pied en faisant jouer les orteils afin que l'air y circule mieux. Un des larrons fut sauvé. C'est un pourcentage honnête. Gogo ! Quoi ? Si on se repentait ? De quoi ? Eh bien, on n'aurait pas besoin d'entrer dans les détails. D'être né. Vladimir porte sa main au pubis, le visage crispé. On n'ose même plus rire. Tu parles d'une privation. Seulement sourire. C'est pas la même chose. Enfin. Gogo. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as lu la Bible ? La Bible ? J'ai dû y jeter un coup d'œil. À l'école sans Dieu ? Je sais pas si elle était sans ou avec. Tu dois confondre avec la roquette. Possible. Je me rappelle les cartes de la Terre Sainte, en couleur, très jolie. La mer morte était bleu pâle. J'avais soif rien qu'en la regardant. Je me disais, c'est là que nous irons passer notre lune de miel. Nous nageons, nous serons heureux. Tu aurais dû être poète. Je l'ai été. Ça ne se voit pas. Qu'est-ce que je disais ? Comment va ton pied ? Il enfle. Ah oui, j'y suis. Cette histoire de larron. Tu t'en souviens ? Non. Tu que je te la raconte ? Non. Ça passera le temps. C'était deux voleurs crucifiés, en même temps que le sauveur. Le quoi ? Le sauveur, deux voleurs. On dit que l'un fut sauvé et l'autre damné. Sauvé de quoi ? De l'enfer. Je m'en vais. Et cependant, comment se fait-il que... Je ne t'ennuie pas, j'espère. Je n'écoute pas. Comment se fait-il que des quatre évangélistes, un seul, présente les faits de cette façon, j'étais cependant là tous les quatre, enfin pas loin, et un seul parle d'un larron de sauver. Voyons, Gogo, il faut me renvoyer la balle de temps en temps. J'écoute. Un sur quatre, des trois autres, deux n'en parlent pas du tout. Et le troisième dit qu'ils l'ont engueulé tous les deux. Qui ? Comment ? Je ne comprends rien. Engueulé qui ? Le sauveur. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas voulu les sauver. De l'enfer ? Mais non, voyons, de la mort. Et alors ? Alors, ils ont dû être damnés tous les deux. Et après ? Mais l'autre dit qu'il y en a eu un de sauvé. Eh ben, ils sont pas d'accord, un point c'est tout. Ils étaient là tous les quatre. Et un seul parle d'un larron de sauvé. Pourquoi le croire, plutôt que les autres ? Qui le croit ? Mais tout le monde ! On ne connaît que cette version-là. Les gens sont des cons. Il se lève péniblement, va emboîtillant vers la gauche, s'arrête, regarde au loin, la main en écran devant les yeux, se retourne, va vers la droite, regarde au loin. Vladimir le suit des yeux, puis va ramasser la chaussure. Regarde dedans, la lâche précipitamment. Endroit délicieux. Aspect riant. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi ? On attend Godot. C'est vrai. Tu es sûr que c'est ici ? Quoi ? Qu'il faut attendre. Il a dit devant l'arbre. Tu en vois d'autres ? Qu'est-ce que c'est ? On dirait un saule. Où sont les feuilles ? Il doit être mort. Fini les pleurs. À moins que ce ne soit pas la saison. Ce ne serait pas plutôt un arbrisseau ? Un arbuste ? Un arbrisseau. Qu'est-ce que tu veux insinuer ? Qu'on s'est trompé d'endroit ? Il devrait être là. Il n'y a pas dit ferme qui viendrait. Et s'il ne vient pas ? Nous reviendrons demain. Et puis après-demain. Peut-être. Et ainsi de suite. C'est-à-dire ? Jusqu'à ce qu'il vienne. Tu es impitoyable. Nous sommes déjà venus hier. Ah non ? Là, tu te gourres. Qu'est-ce que nous avons fait hier ? Ce que nous avons fait hier. Oui. Ma foi... Pour jeter le doute à